So, you know, what do you got coming next for, like, the fans that, you know, the diehard fans that want to know? I got this mixtape I've been working on called Ain't No Money Like Trap Money, you know? Yeah, because you're deep in the trap shit, and yeah, I love man. That shit. Yeah, man, that's, like, my lane, you know, man, you feel me? You know, I was influenced on, you know, like, Swills, you feel me, like Lil Wayne, you know, and, like, Gucci and shit, you feel me? Terre comme Fredo dans la cuisine, négro je compte les deux comme Fredo dans la cuisine. Ils sont faibles comme s'ils ont v'là de carence. Et sur le double, négro fume la frappe de Clarence. L'Inter, faut que je pèse comme si je jouais à l'Inter. Dans plusieurs drogues, donc je vois flou dedans. Des caps liquides, couleur à bout dedans. Négro, je sais qu'il y en a foule dedans. SO Jazz qui gros blunt, gorille la clou dedans. J'suis dans le linge, négro, SO le F-shit. SO Simi, pull up ta bitch dans le spaceship, dans le lin. 7 sur 7 dans mon verre, pas Jack dans la ville. Négro, barode avec le blackjack, mais les gaz. SO dans Covid, j'ai mon sport. Dans Dakar, à quoi dans le OG, Vox Sport. Shenzhen, là pour le cash. À propos du papier, comme si j't'affiche chez Oxford. Prof, chaîne, j'écris les formules au tableau. Connecté comme une Tesla, SO Pablo. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Dans la cuisine comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Dans la cuisine comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Dans la cuisine comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine. Je me sens comme Fredo dans la cuisine. Je suis dans le piège, je me sens comme Fredo dans la cuisine.